Internet est devenu la foire aux tests génétiques et un nombre croissant de personnes donnent leur ADN pour savoir, par exemple, d'où venaient leurs ancêtres. Pourtant, la fiabilité de ces tests pose question. Passé la satisfaction d'une curiosité légitime, que devient la masse des données génétiques collectées par les entreprises qui font commerce de ces tests ? Aux États-Unis, des bébés bulles atteints d'un syndrome rare les privant de tout système immunitaire, les obligeant à vivre en chambre stérile, peuvent désormais retourner chez eux après une thérapie génique qui a entièrement restauré leur système immunitaire. Et enfin, le week-end approche, alors pourquoi ne pas partir en voyage et prendre le train ? Mais cette fois, un train entièrement automatique et sans conducteur. D'ici 2023, on pourrait bien voir arriver en gare le train du futur, mais sans personne aux commandes. Tests génétiques, thérapie génique et train du futur, c'est notre programme à double hélice et sur rail pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de toutes ces actualités scientifiques, j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui la Dream Team des vulgarisateurs du vendredi. Bonjour Cécile Estienne. Bonjour. Directrice de la rédaction du magazine Pour la Science. Bonjour Élodie Chabrol. Bonjour. Directrice France du festival Pint of Science. Et bonjour Olivier Lascar. Bonjour, rédacteur bonjour en chef. Bonjour, rédacteur en chef du pôle digital de notre partenaire Science et Avenir. Et comme chaque vendredi, nous retrouvons celle qui nous remet sur les rails de tous les savoirs scientifiques sans rater aucune correspondance. Il s'agit, vous l'aurez reconnu, de Natacha Triou pour le journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Le journal des sciences. On commence avec le premier sujet de ce journal. Mardi, CEIS, le sismomètre posé à la surface de Mars, a détecté un premier signal sismique. Le premier tremblement de Mars. On attendait ce signal depuis le 26 novembre 2018, le jour où la sonde InSight a déposé CEIS sur la planète rouge. CEIS, c'est le sismomètre français de haute précision. Il a pour mission de mesurer l'activité interne de la planète. Depuis deux mois, il enregistre un grand nombre de vibrations associées au vent, à la pression ou même à des tornades martiennes. On a accumulé la signature de tous ces événements. Mais là, on a quelque chose de complètement différent. C'est un petit séisme de très faible magnitude. Mardi, la NASA a diffusé un enregistrement. On l'écoute. Alors ce qui est important, c'est que même s'il ne s'agit que d'une petite secousse, là on a la certitude que c'est un tremblement de Mars, c'est-à-dire que le sol a vibré. On ne connaît pas encore son origine, cela pourrait être l'impact d'un astéroïde par exemple. Et lors d'un séisme, des ondes se propagent à une certaine vitesse dans les objets. Et c'est en comprenant la vitesse de propagation de ces ondes qu'on peut en savoir plus sur l'intérieur de Mars. Ce premier signal sismique nous donne déjà des informations sur la planète. Philippe Lognonnet est chercheur de l'Institut de physique du globe et responsable scientifique de l'expérience CEIS depuis 2010. Le signal fait à des accélérations de l'ordre du milliardième de la gravité martienne, quasiment le milliardième de la gravité terrestre. Donc il est complètement imperceptible. C'est un séisme qui s'est propagé dans les partie superficielle de Mars, à quelques kilomètres, peut-être 5 kilomètres de profondeur, et qui nous donne déjà énormément d'informations sur les zones où les ondes se sont propagées, c'est-à-dire ces 5-10 premiers kilomètres de la côte martienne. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a très peu d'atténuation, et sur Terre, on sait que l'atténuation vient surtout de l'eau liquide, et donc ça veut dire que dans ces premiers kilomètres de Mars, on a des roches qui sont très sèches. Peut-être il y a de la glace, mais en tout cas, elles sont très sèches. Deuxième chose, c'est plus les séismes sont gros, plus ils vont nous donner de l'information en profondeur parce que les ondes vont se propager de plus en plus profond. Là, on a un petit séisme, on a de l'information sur la partie superficielle. Pour les prochains séismes qui seront plus gros, on aura de l'information sur le bas de la croûte, le haut du manteau. Et puis pour les très gros, on aura de l'information jusqu'au centre de la planète, peut-être pas au centre de la planète, mais au moins jusqu'au noyau. Donc là, on ouvre à présent la page de la sismologie martienne, mais aussi un nouveau chapitre en planétologie. C'est important d'en apprendre plus sur la structure interne de Mars, parce que cela va permettre de comprendre pourquoi la planète a évolué de cette façon. On va aussi pouvoir comparer son processus de formation avec la planète Terre. Il ne faut pas oublier que Mars est une planète jumelle. Il y a 3,5 milliards d'années, il y avait de l'eau, un champ magnétique, des volcans. Pourquoi ça a disparu ? La réponse à cette question se trouve à l'intérieur. Éric Becler est enseignant-chercheur au laboratoire de planète planétologie et de géodynamique de l'Université de Nantes. Il est scientifique associé de la mission InSight. On a quand même une planète qui partage beaucoup, beaucoup de choses avec de points communs avec la Terre. Et cette planète, aujourd'hui, semble assez inactive, voire complètement éteinte d'un point de vue énergétique. Elle ne libère plus assez d'énergie pour entretenir son champ magnétique ou pour entretenir sa tectonique, si jamais il y en a une. Donc, c'est intéressant de se dire, est-ce que réellement à l'intérieur de Mars, c'est comme on le suppose, à l'intérieur de, c'est presque semblable à l'intérieur de la Terre. Et alors, à ce moment-là, pourquoi ça s'est arrêté? Ou finalement, non, c'est deux objets qui sont assez différents, donc ils n'ont peut-être pas la même source, ils ne sont peut-être pas créés comme on le pensait l'un par rapport à l'autre. Enfin, ça peut remettre après en question pas mal de choses, de connaître l'intérieur des corps du système solaire, en l'occurrence d'une planète tellurique. Est-ce que Mars a un noyau? Est-ce que ce noyau est solide? Ou est-ce qu'il est liquide? Alors, noyau, on pense qu'il y en a un, et on imagine qu'il est fait également de fer, comme celui de la Terre, pour produire le champ magnétique qu'il y a eu pendant un milliard et quelques d'années. Donc ça, c'est la question. Et question en suspens, c'est qu'on pense que la perte du champ magnétique terrestre est liée au refroidissement de la planète en général et du coup de la solidification de ce noyau. Donc de nous sur Terre, on a une graine qui occupe une bonne partie déjà du noyau terrestre. Cette graine, on pense qu'elle grossit au fur et à mesure des années et dans 4 milliards d'années à peu près, elle remplira en gros tout l'espace qui est aujourd'hui occupé par le noyau liquide et du coup, il y a des fortes chances que le champ magnétique arrête de se produire aussi sur Terre à ce moment-là. Or, si sur Mars, on sait qu'il n'y a pas de champ magnétique, mais qu'on trouve un noyau liquide, ça remet beaucoup de choses en question. En bref, l'Institut de physique du globe de Paris vient de percer le mystère des secousses géomagnétiques de la Terre. C'est le résultat d'une étude parue dans Nature Geoscience. Depuis 1978, on sait que le champ magnétique de la Terre évolue brusquement, mais ces secousses magnétiques restaient imprévisibles. Le phénomène vient d'être élucidé grâce au supercalculateur du Grand Équipement National de Calcul Intensif. Les géophysiciens ont pu modéliser et reproduire la succession d'événements qui mène aux secousses géomagnétiques. Ça représente des millions d'heures de calcul. Une meilleure prédiction du déplacement du champ magnétique terrestre est dorénavant possible. En bref, toujours, l'hydrure d'hélium, la première molécule à s'être formée après le Big Bang, a été détectée. Elle s'est formée 100 000 ans après le Big Bang. Elle est composée d'hydrogène et d'hélium et elle est la première liaison moléculaire de l'univers. Elle a participé à son refroidissement. C'est le spectromètre en haute altitude de la NASA qui l'a détectée à plus de 3000 années-lumière de nous. Et cette découverte vient confirmer les prédictions et les hypothèses sur la chimie primordiale de l'univers. On poursuit avec le deuxième sujet de ce journal. Une équipe canadienne développe un nouveau traitement de la maladie de Parkinson par stimulation électrique de la moelle épinière. C'est une étude pilote qui a obtenu des résultats très intéressants, notamment sur les problèmes des troubles de la marche et de l'équilibre. Ce sont des symptômes qui apparaissent quand la maladie de Parkinson est bien avancée. Ici, ces implants ont produit une stimulation électrique de faible fréquence. Ils ont permis à des patients malades depuis 15 ans de faire des progrès considérables dans la marche. Certains étaient même immobilisés depuis plusieurs années. Alors pendant 4 mois, puis 6 mois après le retrait des implants, la vitesse de marche, la longueur des pas, la capacité à rester debout se sont améliorées de 50%. Alors, il faut tout de même prendre des précautions car l'étude ne concerne que 5 patients. Il faut mener une étude plus vaste et plus longue avant de faire des conclusions. Mais néanmoins, ces résultats sont encourageants car pour le moment, le principal traitement pour corriger les symptômes de la maladie, c'est l'administration de la L-DOPA pour restaurer les concentrations de dopamine sur le cerveau des malades. Étienne Hirsch est directeur de l'Institut Neurosciences et Neurologie à l'INSERM. Pour lui, cette étude ouvre de nouvelles pistes de traitement. Le problème, c'est lorsque la maladie évolue, eh bien, c'est que ces traitements dopaminergiques ne fonctionnent pas très très bien sur ces symptômes. Ça suggère qu'il y a d'autres lésions dans le cerveau, et on sait qu'il y a d'autres lésions qui sont impliquées dans ces troubles de la marche et de l'équilibre. Notre équipe a pu montrer qu'il y avait des lésions dans des neurones qui utilisent un autre neurotransmetteur, qui est l'acétylcholine, dans une région du cerveau qu'on appelle le mésencéphale, hein, c'est entre les hémisphères et puis la moelle épinière, et dans un noyau qui a un nom barbare, qui s'appelle le noyau tegmento-pédonculopontin, et on a pu montrer que chez les patients parkinsoniens avec des troubles de la marche et de l'équilibre, il y avait une lésion forte dans ce noyau-là et ça explique pourquoi les patients ne répondent pas au traitement dopaminergique. Donc ce qu'ont fait ces auteurs, c'est qu'ils ont utilisé des électrodes et ces électrodes, ils les ont implantées dans l'espace épidural au niveau thoracique, donc pour agir directement sur la moelle épinière. Quelque part, ça consiste un petit peu à bypasser les systèmes de lésions. Il est possible que ça agisse en corrigeant en fait une activité électrique anormale, voire même sur les neurones du cortex cérébral qui vont descendre pour aller commander le mouvement. En bref, pour la première fois aux États-Unis, l'ADN de deux patients a été modifié avec le système CRISPR dans le but de les soigner de leur cancer. L'université de Pennsylvanie à Philadelphie a confirmé avoir utilisé la méthode des ciseaux génétiques. Les cellules immunitaires des patients ont été modifiées in vitro puis réinjectées pour vaincre deux types de cancers, un myélome multiple pour l'un et un sarcome pour l'autre. Les effets de ces manipulations génétiques sur le génome humain ne sont pas encore connus et il n'y a pour le moment pas de publication scientifique. Selon un rapport de l'ONU sur la biodiversité, plus d'un million d'espèces sont menacées d'extinction dans les prochaines décennies. Un de ces rapports de 1800 pages, les 150 experts estiment que nous sommes au début d'une sixième extinction de masse. Les causes de cette grave et rapide crise de la biodiversité, je cite, ce sont l'exploitation directe des ressources, l'intensification agricole, la pollution et les changements climatiques. Et par ailleurs, selon le World Resources Institute, 12 millions d'hectares de forêts tropicales ont disparu en 2018. Ça représente la surface du Nicaragua. Sur ces 12 millions d'hectares, plus de 3 millions d'hectares de forêts tropicales primaires sont concernés. Les pays les plus impliqués dans la déforestation sont le Brésil, l'Indonésie, la République démocratique du Congo, la Colombie et la Bolivie. Ce bilan qui risque de s'alourdir puisque la déforestation en Amazonie a doublé depuis janvier 2019. Et comme chaque vendredi, on termine avec la rubrique Science improbable. Une étude publiée dans la National Library of Medicine révèle que les barbes des hommes contiennent plus de bactéries que les pelages des chiens. Alors, cette équipe suisse a prélevé des échantillons de poils de 18 hommes et de 30 chiens. Ils ont comparé les quantités bactériennes et résultats pour les chiens. Seulement 23 d'entre eux présentent une colonie microbienne modérée. Pour les hommes, l'étude note une colonie microbienne élevée pour chacun d'entre eux, sur 18 sur 18, avec même pour 7 cas la présence de micro-organismes pathogènes dangereux. Bon, messieurs ou mesdames, ce n'est pas une raison pour vous raser la barbe. Je comprends enfin, en tout cas, pourquoi j'ai une espèce de forme de communauté d'âme avec les Espagnols bretons. Donc je garderai ma barbe et je me sentirai plus proche des chiens. Merci beaucoup, Natacha, à la semaine prochaine. Réaction éventuellement à ce journal des sciences. On commence par qui, Cécile Lestienne, un sujet que vous avez marqué en particulier. Je réagirais sur Parkinson. Voilà, nous aussi, on a réagi là-dessus sur notre site internet. Non, ça m'a l'air d'être une piste vraiment intéressante. Là, Parkinson, ça représente quand même, ça concerne 200 000 malades en France donc, et leurs familles. Donc, effectivement, tout ce qui pourrait permettre d'améliorer leurs conditions est bienvenu. Élodie Chabrol. Moi, je réagirais plutôt sur CRISPR, ouais. Parce que c'est la première fois qu'on teste ça, au final, chez un adulte. Et du coup, ça va ouvrir énormément de portes, je pense, mais c'est aussi à surveiller. C'est vraiment intéressant. Je pense qu'on vit un moment charnière pour tout ce qui est thérapie génique, justement, que ce soit CRISPR ou d'autres types. Et c'est vraiment, c'est beau de voir ça arriver chez l'humain et chez l'adulte. Et je pense qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont suivre. Qui vont être intéressantes. On sait qu'avec CRISPR, il y a encore beaucoup de questions qui se posent. Ouais, je ne pense pas simplement aux questions éthiques, mais après l'affaire des petites jumelles qui sont nées en Chine, après que le médecin ait employé le ciseau moléculaire pour modifier génétiquement, pour modifier leur ADN, d'autres études indépendamment de ces jumelles, des cas des jumelles, avaient montré que l'utilisation de CRISPR pouvait avoir des incidences sur les capacités cognitives des personnes sur lesquelles il était employé. Alors là-dessus, il me semble aussi que c'est parce que le gène qu'ils avaient modifié, c'est justement un gène qui était connu pour agir sur les capacités cognitives. Donc, mais effectivement, enfin, avec CRISPR, on n'en est qu'au tout début, et c'est vrai que même en labo, on ne sait pas encore, on n'a pas tellement de recul. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur des rats ou sur des rongeurs, mais chez l'humain, au final, on commence seulement maintenant à voir les effets. Donc, Les incertitudes finalement qui entourent cette technologie. Exactement. On se demande un petit peu si on aura un degré de précision suffisamment important pour ne pas endommager le reste finalement du génome. Parce que c'est énormément prometteur. Si ça marche, c'est fantastique. Mais c'est vrai que voilà. Il y a encore énormément de questions. Est-ce qu'il y a d'autres sujets dans ce journal des sciences qui le sujet avec lequel Natacha a ouvert son journal, c'est formidable d'écouter comme ça. Alors, il faut dire que le fichier est transformé pour qu'il soit dans les fréquences qui soient audibles. C'est pas directement enregistré comme ça sur Mars, mais enfin, c'est une bande-son à la Mario Bava. On a l'impression d'être dans un vieux film des années 60, dont on parle souvent ici. Ce qu'il faut dire aussi, ça a été évoqué, c'est qu'on ne sait pas quelle est la source du séisme. Et ça a évidemment son importance, parce que si c'est un météorite qui est tombé sur la planète, évidemment ça la secoue et ça s'entend. C'est intéressant parce que ça permet d'avoir, comme dans une échographie, d'avoir des informations sur la structure interne de la planète. Mais si ça vient de la planète elle-même, les entrailles de Mars, c'est peut-être encore plus intéressant. Enfin, je ne sais pas si on peut faire une gradation, mais ça dit des choses différentes sur cette planète qui serait donc une planète vivante. En tout cas, non, ça prouve bien que non seulement la sonde s'est bien posée cette fois-ci et que le sismomètre marche, fonctionne. Donc ça, c'est déjà une très très très bonne nouvelle parce qu'effectivement, on attend beaucoup de ces données. Et puis, voilà, c'est incroyable à quel point c'est émouvant d'entendre ce ch'tong là. Ça rappelle un peu ce son de la fusion des deux trous noirs qu'on avait enregistré il y a quelques années de ça, qui sont des sons un petit peu, voilà, on dirait des sons de cartoon un peu, mais finalement, il y a quand même une densité, une importance. Et ça l'est peut-être parce que le son est effectivement transformé pour qu'on puisse l'entendre, hein. Mais ça ne reste pas moins émouvant. Ce qu'on aimerait bien entendre, c'est le son de la foreuse. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes de foreuse avec InSight. La réussite du sismomètre est une réussite française, on le dit encore une fois, cocorico, bravo à l'équipe de Philippe Lyonnais. Mais InSight transportait aussi une chignole spatiale qui devait percer des trous relativement profondément à la surface de Mars pour tirer des échantillons. 5 mètres, je crois. Et là, on voit qu'ils rencontrent de grosses difficultés, ils n'arrivent pas au-delà de quoi, une dizaine de centimètres, je crois. Mars résiste. Voilà. Après, c'est un instrument en plus qui est très très sensible, je crois, en plus avec toutes les conditions climatiques qui sont réunies sur Mars, le vent, les tremblements liés aussi au déplacement de. Voilà, c'est compliqué. Quoi. Ah oui, non, c'est sans doute extraordinairement complexe. Mais c'est les Allemands, je crois, qui ont développé la foreuse. Je crois que c'est un coup dur pour l'équipe. Cry, baby, cry. Making mother sigh. The king of marigold was in the kitchen cooking breakfast for the queen. The queen was in the parlor playing piano for the children of the king. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better, so cry, baby, cry. The king was in the garden picking flowers for a friend who came to play. The queen was in the playroom painting pictures for the children's holiday. Cry, baby, cry. À 16h18, nous faisons aujourd'hui le tour de table de l'actualité scientifique de la semaine. On écoutait à l'instant Cry Baby Cry des Beatles. On va commencer avec le premier dossier du jour avec vous, Cécile Destienne. Je le disais en introduction, les tests génétiques connaissent un succès grandissant et pourtant il semblerait bien qu'un peu d'encadrement ne soit pas inutile. Vous revenez sur ce sujet sensible dans le numéro apparaître de Pour la Science. Oui, il est paru il y a deux jours, oui, normalement, si vous avez trouvé dans tous les bons kiosques. Oui, c'est un sujet, la fiabilité des tests génétiques qui, je l'avoue, nous intriguait depuis un bon moment à force d'entendre parler de ces personnes qui retrouvaient, nées par insémination artificielle avec donneurs, par exemple, qui retrouvaient leur père, leur cousin, leur beau-frère. Voilà, et aussi toute cette mode aux États-Unis qui nous paraît peut-être un peu étrange à notre culture à nous, mais voilà, qui veut rechercher leurs origines génétiques. Voilà. Et dire qu'ils sont à 12% anglais, à 0,12% sicilien, à 13% papou. Enfin bon. Et on avait assez envie de faire le point sur l'étendue effectivement des questions que posent les tests génétiques. Voilà. Et donc on a fait appel à trois chercheurs du coup pour répondre à ces questionnements-là, à deux généticiennes, Catherine Bourguin et Audrey Sabag, et un sociologue, Mauro Turini, voilà, qui pour nous ont fait vraiment le tour de la question, à savoir qu'est-ce que c'est, comment ça marche et effectivement quelles questions éthiques, économiques ça soulève. Alors il y a 15 millions de personnes, en avril 2018 on recensait 15 millions de personnes qui avaient confié leur ADN à des entreprises proposant ces tests. Alors On estime que ce chiffre va croître de façon exponentielle puisque ces entreprises fleurissent. Dans les estimations, c'est qu'il y en aura 100 millions d'ici 2021, c'est-à-dire à peu près demain. Voilà. Et alors, il faut dire qu'aux États-Unis et dans beaucoup d'autres pays, c'est légal de faire appel à ce genre de tests. En France, non, c'est interdit. Vous n'avez pas le droit de faire des tests génétiques pour voir. Voilà. Il faut avoir une raison médicale ou une raison judiciaire, voilà, pour faire appel à ce genre de test. Mais on sait très bien, alors évidemment on n'a pas de chiffre exact, hein, mais on sait très bien que nombre de Français détournent et vont acheter les tests, notamment Internet, aux États-Unis, parce que les plus grosses de ces boîtes-là, donc qui sont notamment 23andMe, voilà, et Ancestry DNA, pardon, qui vendent ces tests. Il suffit de faire un petit test de salive, voilà, vous envoyez et vous renvoie les résultats. Alors, qu'est-ce qu'on cherche avec ces tests-là, justement? Parce qu'il y a toute une gamme qui est proposée aujourd'hui. Quels sont les principaux enjeux, finalement, autour de ces tests-là? Alors, il y a des tests. Les tests fonctionnent tous à peu près de la même façon. Alors, comme ça existe, en fait, depuis le début des années 2002 à peu près. C'est-à-dire, en fait, avant qu'on ait fait la première séquence du génome humain, qui date de 2003, si je ne m'abuse. Voilà. À l'époque, ça avait coûté 3,8 milliards, je crois. Ça avait pris 14 ans. Voilà. Et aujourd'hui, on fait ça en une journée pour 1 000 $. Voilà. Mais ces tests-là ne demandent même pas de faire le séquençage entier, voilà, ils s'arrêtent, ils essaient de catégoriser des petites parties du génome qui sont révélatrices, effectivement, de différentes choses, voilà, et ces marqueurs qu'on appelle SNP ou les microsatellites, voilà, permettent de faire différentes choses. Alors, une première chose, c'est les recherches de paternité ou de grand-parentalité, ou de, donc voilà. Et ça, c'est très, très, très fiable. Oui. À 99,9999%. C'est ça, voilà. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, c'est très, très, très, très fiable si vous avez les bonnes personnes, c'est-à-dire si l'enfant est le parent putatif ou le grand-parent putatif. Ensuite, qui est très, très, très à la mode aux États-Unis. Il y a même des émissions de télévision qui sont consacrées. Enfin, c'est vraiment un énorme business. C'est la recherche de ces soi-disant origines génétiques. Ouais. Voilà. Et là, pour le coup, la fiabilité est questionnable. Oui, parce que alors, tout dépend de la base, de la fiabilité, de la qualité de la base. C'est pas complètement... ça ne repose pas complètement sur rien non plus. Bien sûr, bien donc sûr. Voilà. Mais ces boîtes-là regardent un sous-ensemble de ces marqueurs, parce que c'est des marqueurs, il y en a des milliers, hein, qu'on peut faire en quelques heures, qui sont représentatifs de l'origine biogéographique. Voilà, de ces gènes. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gènes que tout le monde a. Ils peuvent prendre des variantes, c'est ce qu'on appelle des allèles, voilà. Et effectivement, statistiquement, voilà, une certaine combinaison d'allèles vient d'une région plutôt que d'une autre. Et voilà, on reconstitue une sorte de puzzle, en fait. Voilà. Et donc ça marche assez bien, mais il faut... Pour que ça fonctionne, il faut effectivement une très, très, très, très grande base. Voilà. Et d'ailleurs, ces entreprises s'appuient sur les bases qui sont publiques, hein, voilà, qu'on trouve... Là, pour le coup, c'est les bases qui sont offertes par la science. Offertes par la science, à tout le monde. Voilà. Mais ça fonctionne aussi très bien parce que, en fait, 80% des clients de 23andMe, par exemple, donnent ensuite leur profil à la base. À la science. Ils font don de leur ADN à la science. Voilà, exactement. Et par ailleurs, ils vont aussi faire des prélèvements dans certains pays, notamment en Afrique, parce qu'il y a effectivement beaucoup d'Afro-Américains qui ont des origines africaines, dans certaines parties de la population pour mieux catégoriser leur base. Mais c'est très inégal sur la planète. Donc, voilà. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la génétique dit que ça prouve pas que vous avez effectivement des ancêtres papous. Ça prouve que vous avez des gènes qui statistiquement ressemblent aux gènes des populations qui aujourd'hui vivent dans tel pays ou dans telle région du monde. Ça, c'est une des limites justement de ces tests d'origine. Alors, vous évoquiez aussi par exemple le fait que les gens donnent leur accord finalement pour que leur ADN soit ensuite transmis pour des études. Donc là, on est face à une espèce... On parlait pas mal de greenwashing par exemple pour des grosses entreprises qui font des choses pas très nettes avec le climat, qui après se rachètent une conscience. Là, est-ce qu'on fait un peu du science washing avec ces entreprises d'ADN? Je n'irai pas forcément jusque-là. Il faut juste être conscient de ce qu'on fait, je crois, effectivement. Et si on avait envie de faire cet article-là pour la science, c'est aussi parce qu'en France, on est justement en plein dans la refonte des lois de bioéthique. Donc, c'est intéressant de réfléchir à ce qui se passe et qu'est-ce qu'on veut faire avec toutes ces données. Ce n'est pas là, à mon avis, qu'il y a le plus de problèmes. Parce que, après tout, est-ce que c'est très important de savoir que vous avez... faut pas confondre ses gènes et son identité. Je ne sais pas si vous avez 12% de gènes anglais, vous êtes anglais. Personnellement, je ne suis pas certaine. Mais c'est pas forcément très très grave. Il y a même parfois des cas assez amusants. Il y a une vidéo sur YouTube qu'on trouve très très facilement. Hein. Vous voyez un nationaliste, un suprématiste blanc américain, Craig Cobb, qui découvre. Voilà, qu'il a 14% de gènes d'Afrique subsaharienne, c'est assez amusant à voir. ça fait même plaisir. Voilà. Donc, là, on est issu d'un grand métissage, on le sait. Donc ça, c'est très bien. La question qui se pose plus, c'est pour les tests de paternité, parce que parfois, ça peut provoquer des révélations. Oui. Malvenu. Et puis, en revanche, c'est tout ce qui concerne la santé, là où c'est beaucoup plus compliqué. Parce que pour le coup, donc ces tests aux États-Unis vous permettent de voir si vous avez des gènes de susceptibilité, ou plutôt permettent de calculer les risques que vous auriez de développer des maladies qui sont en fait polyfactorielles. On ne parle pas de maladies monogéniques, là, comme la mucoviscidose, par exemple, ou la phénylcétonurie, vous avez le gène, vous allez être malade. Bon. Et le dépistage, c'est effectivement très important. Là, c'est autre chose. C'est votre profil génétique dit que vous avez X% de risque de développer la maladie dans un environnement donné. Voilà. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que si vous recevez comme ça par mail ce type de résultat, qu'est-ce que vous en faites? L'impact psychologique peut-être difficile. Il faut comprendre ce que c'est qu'un risque. Ouais. C'est pas simple du tout, même pour les médecins souvent. Donc, si quand vous n'êtes pas accompagné par le corps médical, c'est un problème. Et par ailleurs, ça donne lieu après à une multiplicité de tests et d'analyses biologiques qui peuvent coûter assez cher à la sécurité sociale pour rien. Donc, c'est bien de le faire pour quelque chose, mais peut-être pas pour rien. Il y a un autre enjeu énorme autour de ces tests-là, c'est que deviennent ces données après? Est-ce que finalement, elles sont une monnaie d'échange pour ces entreprises qui offrent ces tests, enfin qui proposent ces tests aux consommateurs, on va dire. Oui. D'ailleurs, ils font des ça leur sert pour développer d'autres types de business, si on peut dire. Il y en a au moins 3 d'entre elles qui ont fait affaire avec des organismes de voyage, voilà, des agences de voyage, parce que comme ça, vous allez sur le pays de vos origines. Bon, ça, c'est assez drôle. Il y en a une qui a fait affaire avec Spotify pour écouter des musiques qui ressemblent à votre ADN musical. Ça, c'est beaucoup c'est plus le slogan de Spotify. C'est voilà. Découvrez votre ADN musical. Voilà. Et puis, évidemment, il y a des accords avec des entreprises pharmaceutiques qui recherchent effectivement des données pour pouvoir mieux tester leurs médicaments. Et effectivement, les données de ces entreprises ne sont pas publiques. Et on ne sait notamment pas, par exemple, sur quel marqueur ils s'arrêtent. Donc, c'est une question qu'il faut se poser. Mais en même temps, eux mettent en avant, tout à fait à l'américaine, le droit à ces données. Voilà. Comme vous avez le droit de connaître les données que vous laissez traîner sur Internet, vous avez aussi le droit de connaître vos données génétiques. On parlait de l'argent en jeu. En 2018, l'entreprise dont vous parliez, 23andMe, anglais, première langue, a négocié une licence exclusive d'accès à sa base de données pour 300 millions de dollars. Oui, donc avec grosse firme pharmaceutique. Voilà, c'est comme ça qu'elle fait de l'argent. Et donc, voilà, on peut effectivement se poser la question de est-ce que c'est très sain? Voilà, je n'irai pas jusqu'à donner une réponse ferme et définitive. C'est toujours très compliqué, ces choses-là. Parce que... Vous évoquiez le fait tout à l'heure qu'en 2003, voilà, on avait commencé à séquencer le génome avec des durées et des coûts énormes. Mmh. Aujourd'hui, pour une centaine de dollars, on peut donner son ADN et avoir finalement une idée à peu près. Ça coûte 99 dollars, je vous le dis. Voilà. Est-ce qu'on peut arriver à une limite dans cette accélération-là du séquençage du génome, ou est-ce qu'on peut s'attendre encore à de nouvelles techniques de séquençage à très haut débit? Oui, c'est ce qu'ils ont prévu d'ailleurs, même de, effectivement, et parce que là, comme je l'ai dit, tous ces tests-là s'arrêtent sur quelques marqueurs. Il leur suffit d'une quinzaine ou d'une vingtaine pour les tests de paternité, par exemple. Il n'en faut pas des milliers. Mais en revanche, si le jour où on séquencera l'ADN entier pour 100 dollars, ce qui est prévu, on pourrait obtenir des données beaucoup plus fines et beaucoup plus précises. Olivier Lasca, est-ce que vous êtes encore tenté de faire ce test de génétique ou pas du tout? Eh bien, moi, j'ai découvert ça effectivement à Noël dernier, parce que une des journalistes, Camille Gobert de Science et Avenir, en parlait, parce que des gens autour d'elle avaient pris l'initiative de faire ça comme cadeau. Du coup, elle a fait un article pour Science et Avenir sur le sujet, et elle a interrogé, ou en tout cas, elle a rapporté les propos qui étaient diffusés par communiqué de presse par l'Institut Imagine, qui à Paris est spécialisé sur la génétique et qui réagissait de façon assez ferme sur cette nouvelle tendance et sur cette mode qui tend à s'installer en France comme ailleurs, puisqu'effectivement il y a des moyens de contourner. Et le patron de Imagine, Stanislas Lyonnais, disait que c'est une machine à perdre, ces tests-là. Parce qu'effectivement, comme tu le disais, Cécile, dans certains cas de figure, c'est pas parce que on a certains gènes que mathématiquement on va développer telle ou telle maladie. Absolument et on pas. Peut être se retrouver complètement désemparé face à son écran, comme tu le disais, avec des nouvelles qui sont. Je crois qu'on a tous entendu parler d'Angelina Jolie, le cas célèbre, qui a d'ailleurs diffusé qu'elle s'était fait donc enlever les deux seins et les ovaires parce qu'elle était porteuse du gène BRCA1, qui soi-disant, lui donner un risque de 87%, je crois, de développer un cancer. Il y avait beaucoup de cancers du sein dans sa famille, ça c'est vrai. Voilà. Mais j'avoue que, moi, dans mon idée, elle a été accompagnée par des médecins. Voilà. Et en fait, c'est avec cet article que j'ai découvert qu'aux États-Unis, vous pouviez le faire sans être accompagnée par les médecins. Et c'est là, je pense, que se pose un vrai problème. Parce qu'après, s'il y a de nombre de jeunes femmes qui se font enlever les seins et les ovaires comme ça, alors que leur risque n'est pas si élevé que ça, c'est toujours compliqué de comprendre la notion de risque. Est-ce qu'il y a pas des choses. Élodie Chabrol. Moi, je voulais rajouter un tout petit point aussi, c'est que généralement, ces tests-là, du coup, vont se porter sur des gènes qui ont du coup des risques connus, mais on ne sait pas encore toutes les maladies. On ne connaît pas toutes les maladies liées à des risques génétiques. On ne sait pas exactement quels sont tous les risques génétiques. Mm-hmm. Et donc le problème, le danger que peut avoir ces tests, c'est l'inverse, c'est-à-dire dire que au final, on n'a pas de risque sur une maladie, alors qu'en fait, on peut avoir un risque génétique, mais qui est juste pas connu à ce jour. Donc, c'est vraiment, c'est presque dangereux, en fait. On est dans un scénario pré-bienvenue à Gattaca. C'est exactement ça, mais on ne sait pas encore tout, on ne connaît pas. En fait, l'ADN, c'est un énorme bouquin. Et effectivement, ce qu'ils regardent, c'est des fautes de frappe à des endroits qui sont liés à des maladies. Le problème, c'est qu'ils vont regarder que quelques mots dans un livre. Et ils vont dire, il y a quelques risques. Donc, cette faute de frappe-là, elle va plus être liée à telle maladie. Vous avez 70% de risque de l'avoir, etc., etc. Mais effectivement, il y a certains mots avec des fautes de frappe, donc des gènes avec des variantes, qui n'ont encore pas été impliqués dans des maladies. Et là, ils vont passer complètement à travers, quoi. It was cold outside of Tiffany's. I was shivering in the storm. I walked in and asked a gentleman, could I please keep warm? He asked me, how come a baby doll has no comfy place to go? So I told that kindly gentleman my tale of woe. Every baby needs a dad, dad, daddy to keep her worry free. Every baby needs a dad, dad, daddy, but where's the one for me? For it's sure poor, I don't care who. If he hasn't got a million, then a half will do. Every baby needs a dad, dad, daddy. Could my dad, daddy be you? Everybody needs a dad, dad, daddy de Marilyn Monroe à 16h34, 35 dans la méthode scientifique sur France Culture. On poursuit notre tour de table des actualités scientifiques de la semaine avec notre deuxième dossier. Mais juste une petite chose avant qu'on y aille. Oui. Cécile Lassienne, tout le monde a besoin d'un papa, mais ça peut coûter cher de le rechercher par test génétique parce qu'en France, donc, c'est interdit de le faire de soi-même et vous risquez jusqu'à 15 000 € d'amende et un an de prison. on poursuit. Donc. Tout le monde est averti, au moins comme ça, c'est le service public. Chacun prend ses responsabilités ensuite. Élodie Chabrol, rebonjour. Oui, bonjour. Une étude parue dans le New England Journal of Medicine montrait le 18 avril que des bébés bulles atteints d'un déficit immunitaire sévère avaient pu rentrer chez eux après avoir été traités par thérapie génique. Exactement. Donc déjà, qu'est-ce que c'est les bébés bulles hein? Oui. C'est un déficit immunitaire qui est lié à l'X, donc au chromosome X. C'est une maladie génétique qui est rare, mais qui est très grave. Donc ces enfants sont appelés bébés bulles parce qu'en gros, ils sont très très sensibles à toutes les infections qui peuvent leur arriver. Et donc généralement, les premiers, ou en tout cas la plupart, sont mis dans des environnements où vraiment très contrôlés. Généralement, il faut passer par des lavages, par des choses pour les atteindre. Et donc ils ne pouvaient pas vivre une vie normale d'enfant, alors ou de bébé notamment, parce que ceux-là sont très très jeunes. Et donc effectivement, c'est une maladie génétique, c'est très génétique l'émission d'aujourd'hui. Oui. C'est une maladie génétique qui implique notamment un gène, en tout cas pour cette version-là, qui est le gène IL2R, qui est un gène sur le chromosome X, et donc qui cause cette maladie. L'idée, c'est que il y a quand même plusieurs années, dans les années 90 déjà, l'idée de la thérapie génique a un petit peu fait ses fruits, commençait déjà un petit peu à se développer, et notamment pour cette maladie. Donc ça fait quand même pas mal de temps que c'est dans les pipes, hein, que c'est en train d'être testé. C'est juste que la toute première qui avait apparemment marché, ces enfants avaient plus tard développé une leucémie. Alors pourquoi ça justement? Qu'est-ce qui avait fait que ce premier essai de thérapie génique avait abouti à ces leucémies? Avait abouti à ça. Alors déjà, la thérapie génique, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'une thérapie génique? C'est tout simplement guérir avec un gène. D'accord. Donc là, il y a plusieurs types de thérapie génique. Là, typiquement, c'est on sait qu'il y a un gène qui a un défaut. Donc, ce qu'on se dit, c'est que si on remplace ce gène avec un défaut par une copie du gène normal, normalement, les cellules devraient pouvoir fonctionner à nouveau comme il faut. L'enjeu, c'est qu'il faut pouvoir rentrer ce gène dans ces cellules. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Et notamment pour cette maladie-là, l'idée, c'est de prendre des cellules souches et de les infecter avec un virus. Mais ce virus est inoffensif. Donc l'idée du virus, c'est vraiment juste de transporter. C'est un véhicule. Donc là, ça s'appelle un lentivirus. On rappelle un peu ce qu'est un lentivirus. C'est de la famille des rétrovirus. Voilà, c'est ça, comme le HIV. Oui. Donc c'est la même chose, mais... Il se comporte comment, du coup? Alors, il va se comporter, il va rentrer, en gros, dans la cellule, il va infecter la cellule, il va lui mettre, entre autres, de l'ADN, intéressant, de l'ADN, du rétro-ADN, et cette cellule, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre ce morceau d'ADN et elle va l'intégrer, comme son propre ADN. Donc, l'intérêt de ce virus-là, c'est qu'il permet de transférer des gènes et qui vont être stables dans la lignée, c'est-à-dire que si ces cellules se divisent, elles vont le garder. Il y a des types de virus qui vont faire la même chose, mais qui vont déposer de l'ADN qui va rester dans la cellule. Et à chaque division, ça va se diluer. Et donc, au final, quand on a des cellules en division pour ces thérapies géniques-là, ça ne marchera pas. Parce qu'au final, plus on va dans les divisions, plus on se retrouvera avec une dilution de ce gène. Donc là, effectivement, on a des virus qui sont efficaces, qui vont infecter les cellules, infecter bien. C'est-à-dire qu'elles vont... ils vont juste donner l'ADN qui permettra de réparer ces cellules. Donc pour ces enfants, notamment, le principe, c'est on prend des cellules souches, on les infecte avec ce virus qui va permettre de corriger le gène, donc d'avoir une copie normale du gène, et on les remet... On les réinjecte dans le sang, et normalement, si tout va bien, les cellules vont réagir normalement et comme si elles n'avaient pas de défaut. Le seul problème, c'est qu'effectivement, l'ADN dans ces cellules, va aller s'intégrer quelque part. Et là, il y a deux soucis. Il y a déjà le site d'intégration, c'est-à-dire qu'il va se mettre à un endroit dans l'ADN. Bon, alors la probabilité qu'il s'intègre sur un gène important, elle est très très basse, mais ça peut arriver. Et il y a également une deuxième chose, c'est que ce gène est accompagné d'un promoteur. Le promoteur, c'est en gros une petite séquence devant le gène qui va lui dire quand s'exprimer et en gros quand s'exprimer et à quelle force. Et le problème, c'est que parfois, la présence de ces promoteurs dans les cellules ou trop proches de certains autres gènes vont du coup activer ces gènes-là qui n'auraient pas dû être activés à ce moment-là ou à cet endroit-là. Et là, on peut causer des cancers. C'est donc là qu'interviennent finalement ces leucémies, les cancers. Exactement. C'est à cause de ces intégrations et de ces promoteurs que les leucémies ont donc eu lieu chez ces enfants. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver des vecteurs qui ne vont pas causer de leucémie, mais qui vont agir de la même façon, c'est-à-dire s'intégrer, mettre une copie du gène normale pour permettre aux cellules de marcher comme il faut et sans toutefois risquer ça. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Au fur et à mesure, il y a eu plusieurs tests. Donc il y a eu ce premier test au tout début des années 2000, où là, effectivement, ça a conduit à des leucémies chez les enfants plus tard. Après, il y a eu un autre type de test, donc avec un antivirus cette fois, donc un bon virus qui, du coup, est utilisé pour beaucoup de thérapies géniques et on sait que, généralement, il ne cause pas de leucémie. Par contre, il y a eu une très peu d'immunité retrouvée, c'est-à-dire il y avait juste les lymphocytes qui étaient redevenus fonctionnels, mais le reste non, donc ça ne permettait pas une immunité normale. Donc, et ces enfants pas vivre une vie normale. Voilà, ces enfants l'immunité n'ont pas était pu partielle. Exactement, c'est une immunité partielle, les enfants n'ont pas pu rentrer chez eux et ne pouvaient pas avoir une vie normale. Et donc ça, c'était en 2014. Donc une avancée avec le lantivirus, mais pas encore exactement totalement une immunité normale. Et là, c'est vraiment la première étude où ils utilisent un lantivirus, donc un virus qu'on connaît normalement inoffensif par rapport à la leucémie. Donc en tout cas, on sait qu'il est bien, on sait qu'il s'intègre bien comme il faut. Il est utilisé dans plein d'autres thérapies géniques, donc on connaît ses effets. Et on sait que normalement, en tout cas par rapport au recul qu'on a, tout va bien. Et ils ont essayé cette fois-ci de soumettre les cellules à un petit peu de chimiothérapie avant, ce qui a permis une intégration bien meilleure et une immunité retrouvée. Donc au final, ils ont réussi à soigner des enfants. Et d'un point de vue très très technique, il y a aussi une notion clé, c'est la notion d'isolateur qui justement vient tempérer l'effet de ce promoteur dont vous parliez tout à l'heure. Oui, alors, comment exactement. Ça se passe l'isolateur, en gros, ça va un petit peu aider le gène, ça va isoler le gène d'éventuels gènes qui pourraient être donc en gros mis on par ce promoteur ou en tout cas un petit peu forcé à s'exprimer par ce promoteur. Donc c'est vraiment un beau antivirus, c'est-à-dire que là, c'est du travail. Moi, ça m'anime énormément parce que c'est ce que je faisais dans ma vie de chercheuse. donc c'est vraiment du travail purement, c'est l'ingénierie, c'est-à-dire qu'on regarde les séquences ADN et on se dit quel morceau de lentille on va prendre qui a déjà bien marché ailleurs, comment est-ce qu'on peut vraiment bien l'utiliser. On prend vraiment des séquences d'ADN, donc des petites successions de lettres, on décide de couper à des endroits et de les mettre tous ensemble et de voir comment ça marche. Et là, notamment, apparemment, c'est un antivirus qui serait très très efficace, qui serait isolé, donc ne créerait pas de leucémie, qui serait optimisé, c'est-à-dire que le promoteur va vraiment être très efficace. C'est vraiment très beau. Ces bébés bulles ont été traités avec cette thérapie génique. Exactement. Alors à partir de quand, parce que là on peut pas encore dire, ils n'ont pas encore développé de leucémie, à partir de quand on pourrait être vraiment sûr que c'est un traitement efficace? Alors déjà, c'est efficace dans le sens où ils ont pu rentrer chez eux. Le point qui est fantastique, c'est le cercle du virus, ils ont pu être vaccinés. Et ça c'est beau, parce que ils ont été traités grâce au virus, et maintenant ils peuvent être vaccinés et ils vont pouvoir avoir une immunité face aux autres virus. Donc c'est vraiment, moi je pense, pour ça je dis le cercle du virus, au final c'est assez magnifique. Et je pense que dans quelques années on pourra dire qu'ils sont vraiment traités, mais c'est vrai qu'on a encore pas tant de recul que ça. Donc par rapport à la leucémie, au final ça pourra encore prendre du temps, mais je pense que déjà on sait que dans d'autres pathologies ces lantivirus là ont été utilisés, qu'on a plus de recul déjà qu'il n'y a pas eu de leucémie. Donc je pense que niveau leucémie on peut dire que ça devrait aller. Donc c'est un vrai beau pas de la thérapie génique. Et est-ce qu'on peut penser faire aussi de la thérapie génique avec des virus qui sont non intégratifs, c'est-à-dire des virus qui n'intègrent pas le génome, et est-ce que ça comporte finalement moins de risques? Alors ça comporte effectivement moins de risques. Donc c'est les AAV, ça s'appelle. C'est des adénovirus qui vont faire la même chose que l'antivirus, qui vont infecter des cellules, mais effectivement laisser un morceau d'ADN. Donc ça marche pour les cellules qui ne se divisent pas, notamment les neurones. Par exemple, là on a des thérapies géniques qui sont mises en route où on injecte des AAV directement dans les neurones de patients et on sait que ces neurones ne se diviseront pas et donc ça restera stable. Le seul problème par contre des AAV, c'est que ce sont de petits virus, donc ils ne peuvent pas embarquer de gros promoteurs et de gros gènes. Donc c'est pas forcément valable pour tous les types de thérapies géniques. Et c'est ça malheureusement le gros souci avec ces virus. Le gros frein pour l'instant. Le gros frein, exactement. Une réaction, Cécile Destienne, à cette thérapie génique sur les bébés de bulles? Rien d'autre à dire qu'effectivement c'est magnifique, en tout cas pour ces enfants et leurs familles, je pense que c'est un grand pas en avant et on espère qu'effectivement ça va tenir le plus longtemps possible. Voilà, comme quoi, effectivement, comme disait Elodie tout à l'heure, on vit une ère génétique absolument passionnante, parce magnifique. Qu'il y a beaucoup d'avancées. Et en même temps, il faut se poser des questions sur jusqu'où on veut aller, évidemment, mais c'est vrai avec toutes les avancées de la science. Et on parle tellement de CRISPR dans les médias, mais pas seulement dans les médias, parce que si on regarde les publications scientifiques, il y a un monceau de publications scientifiques qui sont faites avec CRISPR. On parle tellement du ciseau moléculaire qu'on pourrait avoir tendance à penser que le ciseau moléculaire égale la thérapie génique. Et en fait, avec un exemple comme celui-là, on voit que ce n'est pas du tout le cas. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant. Ouais. Vous y aviez consacré d'ailleurs une émission dans la méthode scientifique, quand vous la présentiez en décembre, sur cette question-là et cette masse de publications autour de CRISPR qui donne le tournis, quoi. Elle donne tellement le tournis que je l'ai consciencieusement oubliée, mais elle était très très importante, je m'en souviens. On peut réécouter l'émission, oui, j'en suis sûr. On va aller trouver l'archive tout de suite, on va demander à Olivier Bétard de courir dans les archives. Non bon, en tout cas, merci beaucoup Élodie Chabrol. La méthode scientifique, Antoine Beauchamp. On poursuit avec notre troisième et dernier dossier du jour dans la méthode scientifique à 16h45 avec vous, Olivier Lascar, et vous nous parlez aujourd'hui du train du futur. Alors, ce train du futur, à quoi il va ressembler et puis qu'est-ce qu'il pourrait bien nous apporter? Plus de trains. Plus de trains, puisque le train du futur, c'est un train automatisé. On est très habitué à notre époque à parler de véhicules autonomes et automatisés au travers de l'exemple des voitures. Elles sont pas encore là, les voitures autonomes, mais on en parle constamment. Les trains s'y mettent aussi, mais finalement pas pour les mêmes raisons. Du côté de la voiture autonome, l'argument qui est souvent mis en avant, c'est celui de la sécurité. Là, si les trains et si la SNCF en France, par exemple, vont voir du côté des trains autonomes, automatisés, c'est pas pour des questions de sécurité, mais c'est plus pour des questions de régularité, de fluidité du trafic. L'argument qui est mis en avant, c'est de dire que des trains qui roulent tout seuls, qui savent gérer tout seuls leur vitesse, leur freinage, leur démarrage, etc., et ben, ce sont des trains plus souple, plus fluide, plus ponctuel, c'est important. Mais est-ce que cet argument il est un peu étrange, parce qu'on fait reporter à l'humain finalement le poids de tous les errements, retards, etc. Alors qu'il y a aussi, on sait aussi que les états des voies comptent, il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte. Oui, mais cette gestion, cette automatisation, le fait de rendre intelligent le train, ça veut dire aussi rendre intelligent la voie. Oui. C'est-à-dire que dans l'architecture de ce train du futur, on pense pas simplement à la motrice, au véhicule lui-même, mais il y a tout un dispositif qui est sur les voies elles-mêmes, qui est en fixe, et qui est là aussi pour voir comment vieillit une infrastructure. Cette affaire me rappelle l'accident de Bretigny il y a quelques années, hein, on s'en souvient, un accident dramatique, il y avait eu beaucoup de morts, et on s'était rendu compte que c'était un problème d'éclisse, c'est-à-dire une pièce intercalaire entre des rails qui permet de passer d'une voie à une autre, qui avait rompu pendant le passage d'un train, mais elle avait rompu parce qu'elle avait vieilli et elle était en mauvais état depuis bien longtemps, et parce que la surveillance du réseau a des faiblesses qui ont été mises à jour par l'enquête, on ne l'avait pas détecté. Avec un scénario de capteurs, on parle maintenant de poussière intelligente, on n'y est pas encore, mais enfin, c'est des myriades de petits instruments qui permettraient d'avoir en temps réel une photographie de l'état de la voie. Ben, ça permettrait d'avoir l'intelligence du système ferroviaire à chaque instant. Alors la SNCF, elle annonce les premiers tests à horizon 2023. Je voudrais savoir un petit peu à quel degré d'autonomie on peut s'attendre avec ces trains du futur. Oui, parce que là aussi, c'est un point de comparaison qu'on peut faire avec la voiture. Il y a différents degrés d'autonomie. Aujourd'hui, les trains qui roulent nos TGV, ce sont des trains qui sont en autonomie 1. On parle de GOA 1. Comme grade of automation. Le train démarre seul, il roule Non, pardon, justement, il démarre pas seul. Le train démarre, roule et s'arrête par la décision du mécanicien, c'est-à-dire du conducteur. Par contre, la gestion de sa vitesse est automatisée. Dans le niveau 2, le niveau supérieur, là, c'est la même chose, mais avec en plus le freinage et l'accélération qui sont automatisés. Il y a le niveau supérieur, c'est le niveau 3, où, en gros, tout est automatisé, mais le système a besoin quand même, dans certains cas de figure, qui peuvent être considérés par lui comme des cas d'urgence, a besoin qu'un mécanicien se trouve dans la cabine pour pouvoir intervenir. On est dans ces niveaux 2 et 3. Ce sont ces niveaux 2 et 3 qui sont évoqués par la SNCF. Non, actuellement, c'est le niveau 1. D'accord. Mais les niveaux 2 et 3 sont ceux que veulent atteindre la SNCF dans ces tests à l'horizon de 2023. C'est des tests qui seront faits aussi bien pour le fret que pour le transport de voyageurs. On parle d'abord d'essais sur des TER en 2023. Et c'est aussi parce que ça sera l'ouverture à la concurrence. Et le niveau 4, qu'est-ce qu'il impliquera pour le coup? Le niveau 4, c'est le niveau dans lequel, théoriquement, le seul personnel qu'il y a dans le train, c'est au wagon-bar. Et encore, je ne sais pas, peut-être qu'il n'y en aura plus du tout non plus. Ça, c'est aussi très théorique parce qu'il faudra... C'est-à-dire que techniquement, on pourrait le faire, mais est-ce que socialement, ce sera accepté? Est-ce qu'on a envie, nous tous, d'être lâchés à 320 km/h pour le TGV dans une vitesse de croisière, dans des véhicules qui sont contrôlés uniquement par des machines? Il y a des paliers d'acceptation qui vont devoir être franchis pour qu'on puisse en arriver là. Mais ces paliers, on les avait franchis avec le métro, par exemple, dans les grands centres-villes, il y a plein de lignes automatisées. C'est vrai, mais il y a quand même une différence essentielle entre le métro et le train. Alors, c'est la palissade que de le dire, mais bon, oui. Le métro est sous terre. Oui. Le métro est sous terre et circule dans des tunnels. Quand on est à Paris, on sait bien que le fait d'avoir des gens sur les voies, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, régulièrement. Mais enfin, c'est quand même plus compliqué qu'en plein air. L'arrivée d'animaux, le passage d'animaux sur les voies dans le métro, bon, ça va pas arriver. Les obstacles, des chutes d'arbres, de roches, des choses comme ça, en plein air, sur des voies de train, ça peut arriver très régulièrement. Les intempéries, la météo. On sait qu'en France, à chaque hiver, il y a des trains qui sont annulés parce qu'il neige chaque hiver en France. Voilà. Ça a souvent lieu à ces grands titres, la galère, la grogne, etc., etc. Donc ça, ce sont des paramètres qu'on n'a pas pu expérimenter avec les trains automatisés, avec les métros automatisés, qu'effectivement, on prend tous quotidiennement quand on vit dans des villes qui en sont équipées. Là, on comprend bien la différence donc, entre le métro et le train et ces niveaux d'automatisation, mais la SNCF va quand même se baser sur ces degrés d'expertise qui ont été faits avec le métro. Effectivement, le métro a permis quand même de déployer tout un arsenal qui restera pertinent pour le train du futur. Il y a les capteurs dont je parlais tout à l'heure, qui sont des capteurs qui sont installés sur les voies, mais qui sont aussi installés sur les flancs des appareils, des motrices. Ça permet de voir l'environnement, ça permet aussi de voir des trains qu'on va croiser sur la voie d'à côté, parce que c'est aussi le rôle d'un mécanicien. Le rôle du mécanicien dans un train aujourd'hui n'est pas simplement de conduire et de s'occuper de son appareil, il est là aussi comme une vigie. Il surveille l'environnement, il surveille le voisin, le train voisin qui passe, et il peut voir quelque chose qui est sur la carlingue du train et qui serait invisible sinon aux yeux de son propre conducteur. Ouais. Il peut le signaler pour demander une intervention, signaler qu'il y a un problème. Donc tout ça, ça sera plus possible dans un train automatisé. Donc ces capteurs qui sont sur les voies, sur les appareils eux-mêmes permettront de déceler des problèmes comme cela. Mais il y a aussi les dispositifs comme les radars, le LIDAR. C'est-à-dire un laser amélioré qui sont sur le nez de la motrice et qui permettent de voir devant elle les obstacles éventuels. Ça, c'est des technologies qui sont déjà développées pour le train, pour le métro ou la voiture autonome. Mais là aussi, il y a des spécificités qui sont très propres au train. C'est que dans le cas de la voiture autonome, par exemple, équipée de son LIDAR, de son radar, et qui voit surgir un problème, un obstacle devant elle, elle peut zigzaguer, elle peut, si la voie d'à côté est dégagée, elle peut faire une petite embardée pour revenir sur le droit chemin tout de suite après. Avec le train, c'est impossible. Ce qui veut dire que le train autonome, il aura l'obligation de détecter les amonts, les, les obstacles bien plus en amont que la voiture autonome. On parle de 1 km, à 1 km de distance. Il va falloir en plus développer tout un tas d'algorithmes aussi, de fusion de données, j'imagine, pour que ces trains-là intelligents puisse comparer ces informations qui lui arrivent et puis les rendre intelligibles aussi à ceux qui prendront les commandes, parce qu'il y aura quand même quelqu'un, j'imagine, comme dans, pour le métro, des salles de contrôle, ce genre de choses. Il y aura quelqu'un derrière la machine, forcément. Là aussi, dans cette discipline comme dans toutes les autres, l'intelligence artificielle va changer la donne. Et c'est grâce à elle que des algorithmes particuliers de fusion des données, comme vous disiez Antoine, vont pouvoir être employés, parce que tous les capteurs dont on parlait, ces lidars, ces radars, effectivement, tous charrient, enregistrent des monceaux de données. Il faut leur donner du sens à ces données. Et ça, c'est le cerveau artificiel de ce train intelligent qui sera constitué d'intelligence artificielle qui permettra de prendre les bonnes décisions. De prendre les bonnes décisions et de les prendre tout de suite, parce qu'évidemment, on n'a pas le droit à l'erreur. Ce projet, il nous renvoie aussi à d'autres types de projets, comme le Taxi Rail, l'Hyperloop. Alors, qu'est-ce que c'est que ces projets-là ? Ça montre en tout cas, c'est un symptôme de ce qu'on est passé à une époque où l'automatisation, c'est vraiment le jus de cerveau du moment. On a envie de passer à ça. Après, l'Hyperloop, c'est complètement différent. L'Hyperloop, c'est ce projet développé par Elon Musk. Qui est porté par Elon Musk, alors qu'il ne date pas d'Elon Musk. Hein. Oui. Jules Verne imaginait ce mode de transport dans des tubes sous vide, des capsules qui circulent dans des tubes sous vide. Il l'imaginait il y a longtemps. Mais c'est vrai que c'est Musk qui lui a donné un coup d'accélérateur en 2013, quand il a fait plancher ses ingénieurs dessus, puisque Elon Musk, c'est le patron de Tesla et de SpaceX, donc il a des spécialistes des modes de déplacement, de l'aéronautique dans ses rangs. Et il les a fait travailler dessus. Et à la surprise de tous, il a mis tous ses brevets sur la place publique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas un Hyperloop, il y a des Hyperloops. Il y a plusieurs boîtes. Il y en a deux, notamment en France. Il y en a deux, notamment en France, qui sont testés en France, mais qui n'ont pas vocation, en tout cas à brève échéance, à être utilisés en France. Mais effectivement, il y a un test qui va être mené à Toulouse. Il y a 300 mètres de tubes qui ont été construits à côté de Toulouse et le premier test doit avoir lieu cet été. C'est l'Hyperloop TT. Élodie Chabrol, vous voulez monter dans un train sans conducteur ? Pourquoi pas ? Quand ce sera bien testé. Cécile Estienne. Absolument. De toute façon, c'est pas par là qu'on a. Je trouvais ça intéressant cette relation entre le train autonome et les voies intelligentes. Comme effectivement, pour la voiture autonome, il faut aussi développer des routes intelligentes. Si on met pas des capteurs sur les routes, etc., les voitures autonomes se développeront jamais, en fait. Et donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire, à mon avis, avant qu'on soit tout le temps dans les voitures et les trains autonomes. Merci beaucoup à vous trois d'être venus nous évoquer ces actualités scientifiques de la semaine. Cécile Lestienne, Olivier Lascar, Élodie Chabrol. Un dernier mot. Le festival Pint of Science approche. Il aura lieu du 20 au 22 mai dans 54 villes en France. Alors comment on fait pour y assister ? Eh bien, il suffit d'aller voir sur le site pintofscience.fr. Vous avez le programme. Il faut se dépêcher car on a déjà plus de 6000 tickets, quasi 6000 tickets, qui ont été vendus. Et si vous n'êtes pas en France, on est dans 23 autres pays. On va mettre tous les liens sur le fil Twitter de la méthode scientifique. Un immense et chaleureux merci à toute l'équipe de la méthode scientifique qui m'a aidé dans la préparation des émissions cette semaine. Eve Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Éléonore Pérez, Céline Lozen, Tom Humdenstock. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Emmanuel Morse-Duncan. Lundi, vous retrouverez Nicolas Martin. Nous parlerons d'Homo luzonensis, cette nouvelle espèce humaine découverte en Indonésie. Mardi, on se demandera quel horizon se dessine pour les images de trous noirs. Mercredi, on reviendra sur les enceintes connectées et autres assistants personnels. Jeudi, nous célébrerons Léonard de Vinci, le découvreur, à l'occasion des 500 ans de sa mort. Et vendredi, émission fiction, nous irons faire un tour du côté du merveilleux scientifique. France Culture, l'esprit d'ouverture. Tout Radio France dans votre mobile. Avec France Inter, France Info, France Culture, France Musique, FIP, Move ou France Bleu et ses 44 radios locales, retrouvez toutes nos radios en direct et un catalogue de plus de 500 000 podcasts à explorer. Avec l'appli Radio France, vous pouvez écouter la radio quand vous voulez, où vous voulez et comme vous voulez. Téléchargez-la dès maintenant sur les principaux stores. Bonjour à tous, c'est Sofiane. Retrouvez-moi dans le rôle de Gatsby le Magnifique les 2 et 3 mai 2019 à 20h30 au studio 104 de la Maison de la Radio à Paris. Un concert fiction adapté du roman de Francis Scott Fitzgerald. Sur scène, je serai accompagné par les comédiens Rebecca Marder et Pascal Rénéric et bien sûr Issam Krimi, le quatuor Mona et Shems Bendali pour la musique. Une adaptation inédite de Francis Scott Fitzgerald les 2 et 3 mai. Réservation maisondelaradio.fr. À 18h20, vous retrouverez le Club du Grain à Moudre en direct du Bel Air. Emmanuel Macron a-t-il repris la main? C'est la question soulevée par Antoine Janton et ses invités du soir. Dans quelques instants, vous retrouverez le grand reportage de la rédaction. Chez soi ou en EHPAD, vieillir dans la dignité, c'est une enquête de Maxime Fayolle. Et tout de suite, à 17h, c'est le rappel des titres de l'actualité.